Avez-vous des questions? Il s'agit là d'une belle occasion de manifester votre intérêt envers la compagnie. Posez des questions sur la culture, les occasions de développement de carrière ou encore sur l'équipe dont vous ferez partie.